Vendredi 13 septembre 2013, vous écoutez la première édition de La Vie en BD pour cette nouvelle saison radiophonique. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro, de retour avec vous pour une nouvelle saison. De retour également pour parler du 9e art de la bande dessinée. La vie en BD, c'est dans le titre, donc une émission entièrement consacrée à l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'illustration et de l'animation, avec un gros préjugé favorable, évidemment, pour la bande dessinée sous ses différentes itérations. Et on commence d'ailleurs en force avec beaucoup d'invités, beaucoup de discussions. Il faut dire qu'on est en plein mois de septembre, c'est la rentrée littéraire, donc un foisonnement de publications qui animera, c'est certain, nos émissions au fil des prochaines semaines. Et notamment, aujourd'hui, on va porter un regard, en fait, dans quelques instants, sur une belle sortie qui est arrivée fin août sur les tablettes des libraires. Il s'agit du tome 1 de la série Promise chez Glénat, le livre des derniers jours. On aura l'occasion d'en discuter avec le dessinateur de cette nouvelle série, Michael. Également de passage, il y aura Thomas-Louis Côté, le directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Vous avez peut-être vu ça passer au fil des réseaux sociaux ou de différents médias, dont Guy Delisle qui nous offre son livre Croquis de Québec. On avait eu l'occasion de le rencontrer l'an dernier suite à sa résidence qu'il avait réalisée ici dans la capitale. Et bien là, on portera un regard donc sur le livre et sur les choix aussi qui ont mené à son édition. Donc ce sera tout à l'heure. Il y a également la Ligue québécoise d'impro BD qui reprend ses activités dès lundi. Alors, on portera un regard sur cette nouvelle saison et sur les leçons apprises au fil de la dernière année. Et enfin, les rendez-vous de la BD également reprennent du service. Michel Giguère, toujours à la barre de ses rencontres autour du 9e art. Et on va en profiter justement puisque la semaine prochaine, le rendez-vous est consacré à Moebius et Franquin. Alors on frôle des ponts avec lui en fin d'émission entre ces deux univers graphiques, narratifs et deux carrières qui finalement peut-être un peu plus de rapprochement que ce qu'on pourrait l'imaginer au premier abord, du moins pour ceux qui connaissent bien justement Moebius et Franquin. Avant de se lancer en musique et avant de se lancer à bras raccourcis dans cette émission, petite mention au passage dans l'actualité BD, deux changements de propriétaire, si on peut dire. Alors les éditions Glénat qui reprendront le catalogue de la maison d'édition 12 bis, ça a été annoncé début septembre. Alors on verra s'il y aura des influences et des impacts sur le catalogue. Parmi les nouveautés annoncées du côté européen, c'est Red Widow de Xavier Dorison et Thierry Dodson, Rosa de François Dermot et la suite de l'or et le sang également. Et autre élément aussi du côté de Glénat, il y a Malfabrique qui a été racheté également par Glénat. Malfabrique qui est consacré presque entièrement au Kid Paddle et produits dérivés, donc série Game Over, série Greenie également. Alors donc ce sera également récupéré du côté de Glénat. Encore là, question, c'est de voir s'il y aura une influence sur les publications et sorties québécoises de ces éditeurs. Et d'ailleurs, côté Québec, vous avez peut-être vu ça également passer au cours de l'été. On en avait parlé un peu la saison dernière, mais là, c'est officiel. Donc, Mécanique Générale qui sera relancée, qui reprendra du service à compter de novembre avec deux nouvelles publications. Alors, un ouvrage de Jimmy Beaulieu et un ouvrage de Philippe Girard. Alors, nouveau joueur, donc, sur le pan, sur l'échiquier de l'édition au Québec. Alors voilà pour ces clins d'œil et en musique, on écoute un petit extrait de la formation belge avec leur EP Gargantua. On écoute un extrait qui s'appelle Warped Owl's Last Run. We'll be right back. Et voilà, toujours des extraits de musique à saveur 8 bits qu'on vous propose ici à La Vie en BD. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie du dessinateur de la série Promise, dont le premier tome, le livre des derniers jours, a été publié tout récemment du côté de Glénat. Michael, bonjour. Bonjour. Et Michael, enfin, on a eu l'occasion de porter des regards sur de tes publications au fil des saisons de La Vie en BD, mais surtout, évidemment, des publications jeunesse. Donc, tu te consacrais presque entièrement à cette littérature, à ce genre, à ce style, à cet univers. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en route donc vers la publication de Promise, de faire le saut vers la BD adulte, la BD ado? Peut-être que j'ai grandi un peu depuis. C'est vrai que depuis que j'ai commencé en 2000 avec ma première BD, c'était surtout de la jeunesse. J'en ai fait pendant jusqu'à l'année dernière avec la publication de Circus. Entre-temps, j'avais fait quand même une excursion dans la scénarisation de BD adulte avec les deux tomes de Rapa Nui. Mais c'est ça, c'est une évolution de ma carrière, entre guillemets, là, qui fait que je cherche d'autres possibilités, toujours essayer de me renouveler. Et puis je me suis renouvelé dans la bande dessinée adulte. Et tu t'es renouvelé dans le style, dans le genre, mais aussi dans l'approche graphique, en fait. On en avait déjà parlé peut-être un peu, mais justement, tu as consacré quand même un certain temps à essayer de réinventer, de repenser justement ton style, de voir de quelle manière on pourrait le faire évoluer pour qu'il cadre bien avec le style de dessin qui est demandé par une série comme Promise. C'est ça, en fait, depuis 10 ans, quand je suis autodidacte, j'ai appris tout seul, et puis on pioche à droite à gauche des petites choses sans vraiment avoir des grosses bases solides. Puis c'est ça, il y a 2 ans, avant de commencer Promise, j'ai fait table rase de tout ce que j'avais appris, mais qui est resté quand même en moi pour réapprendre les bases, et je suis reparti de là, donc j'ai page blanche complète, et puis tout réapprendre les bases du dessin, les bases de la mise en scène, de la narration, et pour en arriver à ce résultat-là dans le tome 1 de Promise. Donc, faut casser des réflexes presque dans des situations. Ouais, comme il faut ça. Exactement tous les tics de dessinateur. J'ai dû tout briser pour repartir de zéro. Et c'est vrai que ça fait 2 ans là, c'est un gros ouvrage là, mais je suis content. Le résultat, l'album semble plaire, et puis les chroniques sont bonnes, on a des bons retours, donc c'est encourageant, et puis ça me pousse à aller encore plus de l'avant pour le tome 2 et 3. Et j'ajoute sans heurts ma voix d'ailleurs à ce concert d'éloges positifs et de critiques positives que reçu Promis. C'est un bel album, une belle première lancée, je le dis tout simplement. Et d'ailleurs, en fait, peut-être le présentant de parler un peu du contexte de création pour toi, mais comment on le présente un peu Promise? Est-ce que c'est un western ésotérique? Je sais que Thierry Lamy, dans une entrevue, lui parlait d'un univers fantastique un peu à la Stephen King. C'est un huis clos? Oui, c'est ça, c'est un western fantastique à saveur ésotérique, et ça se passe en Idaho, 1864, fin de la guerre de sécession, d'un petit village isolé au pied des Rocheuses. Et effectivement, il y a le paradoxe entre les grands paysages des Rocheuses qui sont immenses, et en même temps, c'est une histoire qui se passe, c'est un huis clos, donc dans un petit village isolé par la neige. Donc il y a comme ça un paradoxe entre l'immensité du paysage et en même temps l'angoisse de l'histoire. Oui, et à l'intérieur de ça, il y a justement cette présence maléfique qui s'immisce un peu dans la vie des gens qui s'y trouvent, donc un révérend et sa bête, en fait son chien, et tranquillement qui viennent changer la donne dans tout ce qui se passe là-dessus, une présence qui est dérangeante, qui est au centre aussi de ce premier tome de Promise. C'est un pasteur itinérant qui sillonne les États-Unis avec un chien, une espèce de molosse aux yeux rouge sang, et qui débarque comme ça dans ce petit village qui s'appelle Promise, au pied des Rocheuses, et qui va petit à petit étendre son influence maléfique sur l'ensemble du village. Et seule une jeune habitante de 12 ans, Rachel Graves, qui verra vraiment sa nature mauvaise, alors que tous les autres habitants sont heureux de l'arrivée de ce pasteur, parce que justement ils n'avaient plus de pasteur, donc ce pasteur qui va venir apporter la bonne parole, mais qui peut-être ne sera pas ça. Et justement, à l'intérieur de ça, et dans le scénario et dans la mise en scène, il y a le côté peut-être un peu plus violent du personnage qui est mis de l'avant. Bon, évidemment, des scènes d'attaque, des scènes de combat, si on peut dire, qui sont assez intenses. Et parallèlement, il y a tout le côté psychologique aussi, la manipulation de la psyché de ces gens-là, d'essayer de jouer, par exemple, avec la culpabilité de Margot, donc la mère de la petite fille dont tu as parlé, qui a commis l'adultère, donc qui la rend peut-être un peu plus vulnérable face à ça. Donc, faut jouer, j'imagine, aussi au dessin, dans le découpage de tout ça, entre ces deux dynamiques-là, entre ces deux dimensions-là. Oui, c'est, on alterne avec des scènes de violence un peu bestiale, avec ce pasteur démoniaque, son chien. Et puis d'un autre côté, dans une ambiance psychologique lourde, où c'est ça, où il va manigancer plusieurs affaires pour pouvoir s'attirer vraiment toutes les faveurs des villageois, et qu'ils ne voient pas, pour que les villageois ne voient pas sa nature maléfique, et qu'ils embarquent de sa bonne parole, entre guillemets. Et c'est là qu'on voit aussi à quel point c'est nécessaire justement que le récit se passe en huis clos pour que ce côté-là puisse fonctionner à 100%. C'est ça, le huis clos dans le village, puisque le village est isolé par la neige au pied des Rocheuses, donc là on peut pas partir chercher de l'aide, donc on est entre nous, là c'est vraiment les villageois vivent un peu en autarcie, en milieu, en vase clos. Et puis moi j'ai essayé par le graphisme, la mise en couleur, par l'éclairage d'augmenter cette ambiance lourde et glauque qui pèse sur le village comme une chape de plomb qui vient recouvrir ce village de promise. Oui, et tout est en gris, en brun, des teintes qui sont sombres justement, c'est vraiment il a fallu trouver un peu le type de découpage, le type de couleur, le type de texture qu'on allait mettre de l'avant pour réussir à créer cet effet-là. Oui, ben c'est tout le travail de pré-production en fait, et quel design on va utiliser pour servir au mieux l'histoire. C'est certain que pour ce genre d'histoire, ça prenait un design particulier qui amène quelque chose en plus à l'histoire. On pouvait pas faire quelque chose de hyper réaliste avec des couleurs, un ciel bien bleu. Donc c'est pour ça que j'ai rabattu toutes mes couleurs. C'est presque du bichromie parfois même, mais c'est des couleurs très désaturées. Donc les bleus, c'est des bleus sales, et puis j'ai tout est sale, les gens sont crottés, bon là ils marchent pas dans la boîte parce que c'est de la neige, mais on sent que leurs habits sont déchirés, les intérieurs de maisons, c'est pas des beaux intérieurs de Philadelphie de cette époque-là, non, là c'est un petit village isolé, donc là c'est vraiment rural. Et ça participe, je pense, à embarquer dans l'histoire. Oui, parce qu'en fait, il y a le côté scénario, mais il y a le côté ambiance. Et j'ai l'impression qu'il faut justement qu'il y ait une adéquation quand on parle d'un thriller, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut le décrire. Oui, il faut qu'il y ait le récit qui nous amène ces questions-là, mais il faut qu'il y ait le dessin, l'ambiance qui vienne nous capter, qui vienne nous happer aussi, puis qui vienne servir justement ce récit-là. Et s'il y en a un des deux qui flanche, ben, c'est le récit au complet qui tombe à l'eau. Hein. Ouais, c'est la beauté de la chose, travailler avec un scénariste, travailler à deux comme ça. Ben, si tous les deux, on va dans le même sens pour servir l'histoire, lui dans son scénario et moi dans ma mise en scène, dans mon éclairage et dans mon jeu de comédien des personnages, ben, si on va dans le même sens, ben, pour servir l'histoire, ben, c'est là où l'histoire va être transcendée et puis parlera le mieux possible au lecteur, oui. Et Miguel, je suis content justement que tu amènes la notion de mise en scène pour les personnages aussi, parce que dans Promise, oui, il y a différentes personnes, il y a ce prédicateur justement qui est au cœur de tout ça et qui littéralement crève un peu la case, comme il de son charisme, il va aller séduire justement les gens de ce village. Et justement, faut qu'on ressente ce charisme-là aussi dans le dessin. Il faut réussir à trouver une manière de présenter ce personnage-là pour que ça transcende un peu simplement le fait qu'on nous dit qu'il est charismatique. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que me disait le scénariste dans sa description de personnage. Voilà, c'était un pasteur charismatique. Ben, maintenant, débrouille-toi avec ça. Là. Alors, ben, moi, je travaille beaucoup avec le cinéma en parallèle parce que de la mesure, j'ai imaginé quel acteur pouvait coller à ce casting-là. Alors j'ai fait mon casting et puis j'ai pris 2-3 acteurs que j'ai un peu mixés pour voir leur trait, leur façon de jouer la comédie. Et puis ben c'est comme ça que petit à petit j'ai trouvé le design et le personnage qui collerait au mieux à ce rôle-là, en fait. Beaucoup, beaucoup de croquis pour en arriver à ce résultat-là avec la bête, avec oui, la bête aussi. Oui, la bête, parce qu'au départ, la bête devait être un mastif plus, donc un gros chien pâteau, des grosses bajoues dégoulinantes de bave. Puis ça collait pas, parce que souvent, un chien épais, bah, il est plutôt... ça fait gros nounours. Donc là, je suis allé vers des chiens plus genre lévrier, whippette, et donc plus fin, et que j'ai juste un petit peu bossifié, comme une hyène. Et puis donc un chien plus fin, donc plus mesquin, comme le pasteur, il est très maigre, très grand. Donc on sent le côté mesquin, mais en même temps c'est quelqu'un qui peut avoir, c'est ça, une verve que lorsqu'il prêche et que tout le monde écoute. Et après ça, tout dépend de la manière dont on le place dans la case, dans la planche. Donc au niveau, on le mentionnait tout à l'heure, des éclairages, au niveau du positionnement. Donc encore là, en fait, c'est une belle recherche aussi au niveau du découpage technique, de la mise en scène, dans le fond, de tout ça. Ouais, ben chaque case, chaque case, on doit penser à la mise en scène dans la case en fonction de ce qui est raconté. Est-ce que il y a un personnage dominant l'un par rapport à l'autre? Donc effectivement, le pasteur, il est toujours en position dominante par rapport à ses interlocuteurs, soit en contre-plongée pour l'air, pour qu'il ait l'air un petit peu hautain, soit au contraire, il est toujours au-dessus. Donc si on regarde bien la bande dessinée, tout ça, c'est des codes de mise en scène, mais qui font que inconsciemment, le lecteur, il le ressent, ça. Et puis tout de suite, il voit que le pasteur est supérieur aux autres. Il étend son emprise. Et puis ça, c'est dans chaque case, mais après il faut aussi penser à la mise en page, donc d'une case à l'autre, avec la fluidité de la lecture, avec le dialogue qui vient par-dessus les cases. Et puis c'est un gros travail, effectivement. Oui, mais après, le genre de subtilité qui, à mon sens, justement, n'aurait pas passé si on n'avait pas été dans un dessin semi-réaliste un peu là-dedans. Si on avait été dans le réalisme à 100%, ça n'aurait pas marché. Si on avait été dans le fantastique à 100%, on aurait perdu le contact aussi avec notre réalité. Donc c'est trouver la mesure entre les différents, de bien doser aussi dans les choix qu'on va faire. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit vraisemblable, en fait. Mm-hmm. Bien qu'il y ait du fantastique, il faut que ce soit vraisemblable. Il faut que on l'imagine, ce village, on l'imagine que ce pasteur, il existe, puis il faut qu'on embarque. Si on commence à se dire, oh ben non, il y a des gros monstres qui sortent de partout, là, il n'y en a pas dans Promise, hein, mais si commence à y avoir trop de magie, parce qu'il y a du chamanisme, par exemple, mais comment amener le chamanisme pour qu'on y croit? Et comment le représenter, le dessiner pour que ça soit pas un délire quelconque? Exactement, comme on a pu voir dans le film Blueberry. Donc, c'est pas évident, tout ça, puis on est toujours sur la limite, là, donc... On peut basculer trop dans le fantastique ou pas assez, donc il faut. C'est une question de dosage, et puis ça demande. Et sans se retenir trop non plus, j'imagine, côté violence, il y a des scènes qui sont quand même assez sanglantes. On se dit, jusqu'où on peut en mettre pour que ça reste correct, pour que ça serve, mais jusqu'où ça devient trop, puis. C'est du grand guignol. Là, oui, c'est, sachant qu'en plus, l'implicite est plus efficace que l'explicite. Donc, il vaut mieux moins en montrer et laisser le lecteur travailler, et ce qui est encore plus efficace. Parce que sinon, effectivement, ça reste du. Après, on est dans le gore, et puis là, on change de catégorie, puis moi, ça ne m'intéresse pas non plus. On n'est plus dans un thriller. Exactement. Et ça, c'est le premier tome de Promise, donc, qui est sorti, en fait, déjà en Europe, on le disait, une réception très bonne. Au Québec, en fait, du moins, si ça me concerne, j'ai envie qu'il ait une très bonne réception aussi. Donc, un beau thriller qu'on découvre, une belle première lancée. Et, Michael, tu travailles déjà sur le deuxième tome, donc là ça s'enclenche, c'est démarré, là. Oui, c'est ça. Je viens de finir la 15e page sur 54 pour le tome 2, et puis donc ça sortira l'année prochaine, et puis après j'enchaîne avec le tome 3, etc. Donc c'est le troisième et dernier tome de cette histoire, parce que c'est une histoire complète en trois tomes. Et on n'aura pas trop longtemps à attendre pour les découvrir. Exactement. Voilà. Alors on est content. Donc je le rappelle, ça s'appelle Promise, premier tome, donc le livre des derniers jours. C'est scénarisé par Thierry Lamy, dessiné par Michael, c'est chez Glénat. Michael, merci beaucoup. Merci. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et nous, on repart en extrait musical avec toujours Bejd et la pièce cette fois-ci Cyber Castle. Et toujours à la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez réécouter les émissions ou voir ce dont on parlait dans les saisons précédentes, eh bien, on a le blog lavieenbd.wordpress.com. Également, vous avez mon blog pour commentaires et actualités BD sur voir.ca. Donc, voir.ca/Raymond-Poirier. Et petite mention au passage, petit clin d'œil, si jamais vous allez faire un tour du côté de Montréal cette fin de semaine, ben, grand rassemblement de la culture geek qui, année après année, donne de plus en plus de place à l'univers du comics et par la bande à la BD traditionnelle, donc le Comic-Con à Montréal. Je mentionne la place de plus en plus grande parce que, notamment, ben, parmi les invités de marque, on souligne la présence de Juanjo Guarnido, qui est dans les invités vedettes de l'événement, d'ailleurs, donc auteur de la série Black Sad, qu'on avait eu l'occasion de voir, d'ailleurs, à Québec il y a quelques années. Et sinon, ben, quand même plusieurs auteurs qui seront présents aussi au fil de la fin de semaine. On pense à Iris Caton, Daniel Sheldon, Michel Rabagliati, Jean-Sébastien Bérubé, Loisel, également les auteurs indépendants, la gang de Front Froid, Zidara 9, il y a les créateurs de Hell Spectro qui vont être là, également les créateurs de Red Ketchup. Donc bref, si jamais vous êtes à Montréal, ben, peut-être que c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser. Et maintenant, au bout du fil, on a le plaisir d'être en compagnie du directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Ça va très bien, en fait. Je te le demande parce que déjà, les activités du festival sont quand même assez proactives. Malgré la saison estivale, il y a eu la résidence de Mathieu Sapin, il y a eu le passage la semaine dernière également de Marzena Sowa et Sylvain Savoya, et également, depuis le 10 septembre, disponible en librairie, c'est Croquis de Québec de Guy Delisle, qui fait écho à la résidence qui avait été réalisée par Guy Delisle l'été dernier. J'aimerais ça que tu me parles un peu, Thomas-Louis, du chemin qu'il y a eu entre, ben, d'abord, la résidence, l'exposition sur le web des planches, l'exposition à l'établi dans, au 25e du festival, et maintenant le livre. Est-ce que c'était déjà un chemin qui était planifié dès le départ, là? Plus ou moins. En fin de compte, lors de sa résidence, Guy Delisle a commencé à faire des croquis de Québec dans l'idée d'éventuellement faire une histoire, mais qui ne verra pas le jour parce qu'il n'a pas été dépaysé, dans le fond, par sa visite à Québec. Lui qui croyait retrouver un Québec qu'il ne connaissait plus, s'est retrouvé un peu comme chez lui. Donc, il en a profité pour faire des croquis, quand même une cinquantaine de croquis de la ville de Québec, et qui a mis en ligne. Et nous, quand on a vu ça au festival, on s'est dit, ah, il faut qu'on montre ça. Donc, on a préparé l'exposition pour la dernière édition du festival, donc une exposition qui a eu lieu à l'établi. Et plusieurs personnes qui sont allées sur place l'ont vu et nous ont dit, est-ce qu'on peut acheter les cadres? Est-ce qu'on peut, c'est où qu'on peut trouver ça? Et nous, on a profité de l'occasion pour voir l'intérêt de Guy Delisle de faire une publication, dans le fond, de ces croquis. Et avec les éditions Parpar, on a décidé de mettre ça en place et de faire ce carnet de croquis-là, qui est quand même un peu à part de ce que Guy Delisle fait habituellement avec des histoires, parce que lui, comme tel, n'est pas en scène dans ce carnet-là. C'est vraiment la ville de Québec qui prend toute la place, là. Et déjà aussi, dans le choix de l'édition, tu l'as dit, c'est pas un livre habituel de Guy Delisle, et c'est même, j'ai envie de dire, pas un livre habituel, point, dans la mesure où on a essayé de reproduire un peu le format du carnet de croquis. Exactement. On a pris un format un pour un, donc c'est vraiment le format des dessins que Guy Delisle a fait. C'est pour ça qu'il y en a même certains qui sont très petits, même si on les aime beaucoup, on les a mis la vraie grosseur qu'il a fait. Il travaille quand même assez petit. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui parlaient de la nouvelle BD de Delisle, mais c'est vraiment pas une bande dessinée, c'est un carnet de croquis, donc c'est quelque chose de vraiment différent. Et qu'est-ce qui fait justement pour toi, en tant que lecteur peut-être, Thomas-Louis Côté, qu'est-ce qui fait l'intérêt de l'approche et de la technique des croquis de Guy Delisle? Qu'est-ce qui fait qui mérite d'être vu, d'être diffusé ce travail-là? Ben, je te dirais que c'est pas nécessairement l'intérêt de lecteur comme l'intérêt de quelqu'un qui aime le travail de Guy Delisle, de voir le regard de cet auteur-là sur la ville de Québec. Donc, en tant que résident de Québec et amateur du travail de Guy Delisle, c'est vraiment une façon de voir comment lui a perçu la ville. Et ça donne des dessins qui, parfois, vont chercher des points de vue très particuliers de la ville, des points de vue que nous, en tant que citoyens, on les voit sans les voir. Et lui, en les croquant, fait que ça nous montre la ville sous un nouveau jour, dans le fond. Et est-ce que tu as des éléments, justement, dans ces croquis? Parce que ça fait un bout de temps que tu baignes, justement, dans cet univers graphique-là. Est-ce que tu as des coups de cœur particuliers de ton côté, de certains de ces croquis qui t'ont allumé particulièrement? Mais au-delà des dessins architecturaux, je pense que le dessin, moi, qui m'a le plus plu et qui était vraiment le plus simple dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné un banc de parc des plaines d'Abraham dans les arbres. Et je trouve que c'est hyper simple, mais c'est tellement efficace comme dessin. Mais sinon, un point de vue, par exemple, des portes Saint-Jean vues du dessus avec la basse ville et les moelleaux au loin, c'est le genre de choses que j'ai déjà vu, mais sans le voir. Et là, tout à coup, une fois en dessin, tu dis, c'est vrai que c'est beau ce point de vue-là. Et dans l'expérience aussi autour de tout ça, du côté du festival, je pense que c'est pratiquement dans la première fois ou sinon dans les premières fois que le festival décide d'éditer un ouvrage. Bien, comme tel, l'éditeur est PowerPoint, mais nous, on a collaboré à ça parce qu'on a mis le projet ensemble, donc c'est une coproduction du festival et de PowerPoint. Mais le festival avait agi comme éditeur pour le projet Québec 1 des 3 dans le fleuve à l'occasion du 400e de Québec. Donc c'est comme tel le deuxième projet d'édition depuis que moi je suis là, mais je sais qu'il y en a eu d'autres aussi dans les premières années du festival. Mais c'est ça, donc c'est vraiment une co-édition, coproduction dans le fond ce projet-là, et c'est un très beau projet, je trouve, pour le festival. Et en même temps, ça montre aussi, c'est toujours intéressant de voir, et j'imagine pour toi aussi que tu essaies de lancer justement ce projet de résidence estivale, d'inviter des auteurs ici à Québec, de voir que ça a des suites quand même dans le temps, parce qu'on est quand même un an plus tard, et la résidence de Guy Delisle a fait quand même pas mal de chemin. Oui, et si on regarde, c'est Mathieu Sapin cet été qui est venu, a fait des pages pour Spirou, donc qui se déroule à Québec, dont même toi, Raymond, t'en fais partie comme personnage. Et il va y avoir aussi d'autres projets plus tard avec la suite de MKM qui va se dérouler en partie à Québec. Donc c'est le genre de choses que je trouve très intéressantes d'une résidence comme on offre, d'avoir des retombées sans que ce soit obligé, parce que je tiens à dire qu'on invite les auteurs pour travailler sur leurs projets personnels, et c'est vraiment le fait d'être à Québec qui les amène à développer des projets sur la ville ou qui inclut la ville. Donc j'ai bien hâte de voir, après 2 ans, on a déjà des retombées comme ça, de voir pour la suite avec les auteurs qu'on va inviter, qu'est-ce que eux vont faire là, pour peut-être mettre la ville en vedette là. Oui, et comment le choix, c'est un peu instinctif aussi dans les auteurs qu'on décide de convier à ces résidences-là? Oui, bien, il y a une question d'affinité par rapport à ce que les auteurs font, aussi des auteurs qui travaillent un peu dans le reportage bande dessinée. Donc, ça permet de déjà savoir en partant qu'il pourrait découler quelque chose de cette résidence-là pour Québec. Là. Vraiment, des auteurs comme Mathieu Sapin qui a fait plusieurs reportages BD, Guy Delisle, ça pourrait être quelqu'un comme Étienne Davado, par exemple, ou Louis Trondheim ou autre. Donc, on verra dans les prochains mois qui sera l'auteur là, qui sera à Québec en juillet prochain. Et on devrait pouvoir l'annoncer durant le festival. Là. Et d'ici là, Thomas-Louis, sur le court terme, le projet Guy Delisle ne se termine pas non plus avec la parution des croquis. On a reçu l'annonce aujourd'hui, en fait, d'une classe de maître sur le croquis, justement, avec Guy Delisle, qui va avoir lieu le 25 septembre prochain au Musée national des Beaux-Arts. Donc ça, c'est une autre continuité là, qu'on rajoute. Oui, bien, Guy Delisle sera à Québec du 25 au 29 septembre prochain. Donc, on va en profiter pour faire un lancement officiel de ce livre-là. Donc, ça, vous allez recevoir les renseignements pour ça bientôt. Mais sinon, le 25, il y a effectivement un groupe de jeunes auteurs privilégiés qui vont pouvoir voir la technique de Guy Delisle pour les croquis, mais aussi travailler avec lui. Donc, les gens vont se promener dans le musée et faire des exercices de croquis sous la supervision de Guy Delisle. Fait que ça va être super intéressant, je crois, pour les auteurs émergents. Et ça, c'est présenté par Première Ovation, donc une mesure d'aide à la relève culturelle de la Ville de Québec. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, d'ailleurs, sur cette classe de maître-là et avoir l'adresse pour te contacter, pour s'y inscrire, tout est sur le blog laviembd.wordpress.com. Et donc, on va tenir, évidemment, les gens au courant, mais on sait déjà qu'il y aura lancement avec Guy Delisle, donc à venir à la fin du mois de septembre, donc de ce livre Croquis de Québec, qui est déjà, on le rappelle, disponible en librairie depuis le 10 septembre dernier. Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, merci. Merci à toi. Et on se dit à la prochaine. À très bientôt. Alors et nous, là-dessus, on prend une pause. Au retour, on parle de la Ligue québécoise d'impro BD, également à venir, Michel Giguère qui nous fait des ponts entre Giraud et Franquin. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. à la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 16 septembre, 20h au Cercle, rouge contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le 29 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Concentré sur la 3e avenue, la course de la cité résolument urbaine vous offre une ambiance familiale et du plaisir garanti. Réservez votre dimanche le 29 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacité.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. Courez pour aider. Une collaboration de SDC 3e avenue, Spectrum, Wix, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Le Musée de la civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. Vous aimeriez faire élaguer vos arbres avant que le gel s'installe? Optez pour un professionnel de la santé des arbres. Julien-Pierre Lafrance, arboriculteur et lagueur diplômé, vous offre d'élaguer, de fertiliser ou d'abattre vos arbres tout en vous débarrassant des résidus. Spécialisé en construction dans les arbres, Julien-Pierre Lafrance fait aussi l'installation de tyroliennes, de passerelles et de plateformes sécuritaires. Service conseil disponible. Soinsdesarbres.com ou 418-455-1855. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Visitez la porte d'entrée des entrepreneurs, le clddequebec.qc.ca. Et vous êtes à l'écoute de La Vie en BD au 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver comme ça, surtout pour une première lancée. Donc, on est bien content d'être de retour et de pouvoir vous parler comme ça, de manière hebdomadaire, de l'univers du 9e art. De l'univers du 9e art, certes, dans les pages, mais également sur la scène. C'est le cas avec la Ligue québécoise d'impro BD, qu'on avait eu le plaisir de lancer, un petit collectif de gens d'amateurs, d'amoureux de la BD et de l'improvisation de Québec, dont je fais partie, et qu'on a le plaisir également de vous ramener, de vous offrir à nouveau cette année à Québec. En fait, premier match qui aura lieu au Cercle le lundi 16 septembre prochain, donc lundi qui vient. Ça arrive, c'est très très proche, et pour en jaser un peu avec moi, j'ai convié un des joueurs qui a fait l'expérience de la première et de la deuxième saison, et du premier tournoi. Bref, t'es là-dedans, tu baignes là-dedans depuis à peu près aussi longtemps que moi. J'ai envie de te lancer peut-être d'emblée, qu'est-ce qui fait justement que tu réponds encore présent? Qu'est-ce qui fait le plaisir pour un dessinateur de placer son dessin dans un contexte performatif comme celui-là? Parce que je pense qu'on peut parler de performance, là. Ben, c'est toujours une expérience là, d'être sur scène, surtout pour un dessinateur. Tu sais, nous, on est des êtres très introvertis, donc on est toujours sur notre table à dessin, on rencontre très peu de monde. Donc, de se retrouver dans un contexte plus théâtral, dans un contexte où est-ce qu'il y a un public, où est-ce qu'il faut faire l'entertainment, où faut vraiment divertir les gens, ça nous sort de notre zone de confort. Ça, c'est sûr et certain. Puis, mais c'est un bon thrill, là. C'est quelque chose qui est vraiment... je dirais que ça nous donne de l'adrénaline nécessaire pour justement se dépasser, puis d'être capable de produire sur place, devant public, des dessins, puis des choses qu'on s'attendait pas du tout à produire. Là. C'est tout le temps une expérience, toujours une surprise pour nous autres aussi, en tant que dessinateurs. On sait pas comment va se passer la soirée. Oui, parce qu'en fait, pour donner un peu le contexte pour ceux qui n'ont jamais vu, essentiellement, c'est de l'improvisation théâtrale, donc comme on en connaît façon Ligue nationale d'impro, mais à laquelle il y a de la musique, évidemment, Et à ça, on ajoute aussi du dessin qui est littéralement en direct, donc projeté sur écran. Ça donne une dynamique extrêmement particulière. On va jaser un peu côté joueur tout à l'heure avec Simon Trudeau, qui est avec nous également. Jeff, j'aimerais savoir ton point de vue côté dessin là-dessus, parce que tu parlais d'imprévu. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre quand on se lance, mais également, on ne sait pas non plus... Faut mettre son ego de côté. Je veux dire, on a une minute et demie pour faire un dessin. Puis on se dit tout le temps, en tout cas, moi, personnellement, je me dis tout le temps que dans la soirée, je vais en échapper. Là. Il y a des dessins qu'on rate, il y a des dessins qu'on réussit pas. Puis c'est normal. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Sauf que faut pas partir négatif. Là. Mais on se dit tout le temps que, de toute manière, les comédiens sont tellement bons sur scène que peu importe le dessin qu'on va faire, ils vont faire quelque chose de génial avec. Là. Mais en même temps, j'imagine que faut quand même aussi avoir une certaine préparation, je sais pas, mentale ou physique, mais faut dessiner quand même diablement vite, faut penser au concept, faut le mettre en œuvre, on a une minute pour le faire, pendant l'impro, pendant que ça se passe. C'est pour ça que finalement, il y a pas de recette. Là. Uh-huh. On peut très bien se planter, on sait jamais si on va réussir, mais bon, c'est le risque à prendre, mais bon, ça s'est toujours bien passé, puis les gens rigolent, puis ça fait des super belles soirées, pareil. Et Simon Trudeau, comment se fait justement le pont entre les deux? Parce que là, ça fait un an que le concept est là, que tu l'expérimentes aussi. Donc, est-ce qu'on a l'impression qu'au fil de l'année, on a réussi à aller développer un peu justement le dialogue entre la planche à l'écran et entre le jeu sur la scène? Oui, en fait, beaucoup, en fait, parce que ça s'est grandement. On a testé différentes eaux, différentes profondeurs. On a vu différentes implications du dessin avant et après. Pour les joueurs, je pense que j'en avais parlé la première fois qu'on avait fait l'entrevue. Moi, je trouve que c'est une opportunité en or parce que ça met en image ce qu'on essaie de fabriquer avec de l'air d'habitude. Et, le dialogue s'est établi, d'autant plus que avec le temps, on a fini par connaître nos amis dessinateurs et on est devenu on s'est mis à habiter leur univers, ils se sont mis à habiter le nôtre et ça a formé qu'à quelques reprises, je peux penser à certaines fois où on a complètement transformé l'utilisation de la BD, on s'est mis à utiliser la caméra en tant qu'outil, en tant que média de création, on a eu un dessin de scène de crime live sur la scène, on a eu de l'animation, même du stop motion par endroit, ça s'est fait des sur des fois scène. Les comédiens aussi participaient au dessin, ils faisaient eux-mêmes le dessin. C'est ça, c'est arrivé à quelques reprises. Il y a même, je dois dire, c'est arrivé qu'on a eu des dessinateurs qui sont allés sur la scène. Ah, ça. Et même, d'ailleurs, Gia, ça me rappelle une performance incroyable de ta part, au moment où quelqu'un sur la scène a tiré vers les dessinateurs avec un fusil imaginaire, a tiré une balle perdue, et la balle perdue a atteint JF qui s'est aussitôt effondré sur sa planche. Ce qui était... commotion cérébrale. Et voilà. Oui, parce que dans le fond, il y a le dessin peut être avant, après l'impro, mais le moment où ça devient le plus stimulant, c'est quand tout se passe en même temps, quand on se dit, OK, il y a du dessin, il y a du jeu, et tout le monde travaille un peu à une même narration, mais dans le fond, ça veut dire que faut vraiment bien observer aussi du côté des joueurs, avoir conscience de ce qui se dessine, du côté des dessinateurs, écouter ce qui se passe pour adapter. Oui, puis c'est beaucoup d'expérimentation, puis je sais pas, il y a comme une chimie qui s'opère, puis tout le monde fonctionne hyper rapidement, les méninges tournent vite, puis tout le monde embarque. Ça fait que c'est une super expérience. Et justement, en fait, Simon lançait tout à l'heure qu'il y a quelques improvisations justement qui l'ont marqué. Peut-être je lance la question de manière plus formelle, ce serait quoi un peu les impros, les dessins, les moments que vous gardez le plus en tête comme vos après quoi 3-4 mois après la fin de la saison qui trottine encore un peu, qu'on se dit waouh, ça celle-là. Moi personnellement, il y a les illustrations coquines de Michael là, finalement qui étaient c'était absolument hilarant. Donc c'est d'ailleurs ça, j'avais pro de lancer l'idée qu'on pourrait peut-être faire un match entier, un match coquin de en coquin. Entier. Je suis sûr que ça trouverait preneur, il y aurait un public pour ça. Oui, je pense que ça marcherait bien. Pour ma part, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est étrange parce qu'on a eu, on l'a fait les matchs, on a exporté aussi. On est allé à Montréal, on a fait aussi un partenariat avec Lyon. Moi, quelque chose que j'ai retenu et ça a été une révélation pour tous ceux qui y ont assisté. Pourtant, c'était si simple. C'est, je pense que c'était dans le match au Lion d'Or à Montréal, alors qu'il y a eu à la manière d'un dessin animé japonais et que la seule chose qui était dessinée, c'était les lignes de mouvement et les animations dans le fond qu'on retrouve souvent dans les dessins animés. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est l'essence de l'art. remplir la, que les acteurs soient les personnages et qu'on remplisse le reste de conventions de BD, ça, ça m'a semblé être une parfaite symbiose des deux médiums. Moi, j'ai, ça, ça a été une, il y en a eu plusieurs comme ça, mais vite de même, là, sur, sur, la première qui me vient, c'est celle-là. Ça, et la fois où JF s'est fait abattre par Elodie sur scène. Et au niveau des caucus, en fait, parce que personnellement, j'ai le plaisir d'animer les matchs, de, d'inventer ou de travailler un peu aux catégories, aux thèmes. Comment ça se passe, les caucus? Comment on prépare? Parce que là, justement, on peut pas juste se donner des idées de jeu, il faut avoir des idées de dessin aussi. Mmh. On a 30 secondes. Donc, c'est quoi la dynamique sur le banc? Ben de mon côté, c'est sûr que moi je suis pas un dessinateur de concept beaucoup là. Moi je suis un gars qui va performer là, mais je suis pas le gars aux mille idées là, alors que je veux dire la plupart des comédiens là, quand on a le caucus là, ils balancent là, à peu près 30 000 idées à la seconde, puis dans le fond c'est juste de piger, puis moi c'est de voir qu'est-ce qui va m'allumer, qu'est-ce qui va faire que l'étincelle va jaillir, puis que je veux dire oui, ça je peux le dessiner, ça va être bon, ça va être drôle, je le vois. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe de mon côté. Je sais pas pour d'autres dessinateurs, c'est d'autres choses. Je pense que je suis d'accord. De notre côté, notre équipe, c'était toujours, on lançait des idées, puis quand les dessinateurs embarquaient sur quelque chose, ils disaient, OK, ça, je le sens bien, on laissait la priorité aux dessinateurs. Parce que, en improvisation, ben, si on a une mauvaise idée, parce que ça existe, des mauvaises idées, on expose le public à ça pendant quelques secondes, mais si le dessinateur a une mauvaise idée en partant, ça peut rester longtemps à la caméra. Ça va mal. Alors, on priorise, si le dessinateur se sent à l'aise, puis si tout que notre dessinateur se sent à l'aise, on y va avec, puis habituellement, ça fait des merveilleuses collaborations. Et tu disais, donc, ça vient un peu changer la perspective qu'on a de l'improvisation, et Simon, tu as différentes ligues, en fait, tu fais pas que la Ligue québécoise d'impro BD, tu fais aussi de l'impro traditionnelle. Oui. Est-ce que des fois, on a le réflexe de dire, ben, il y a où le dessin pendant un match normal? Je vais vous avouer qu'il y a eu quelques moments dans l'année, dans les matchs réguliers, où je m'en suis ennuyé, où je me suis dit, mon Dieu, un dessin à ce moment-ci, ça serait donc pratique, ce serait donc merveilleux, je l'aurais pris. Je dois avouer que ça vient changer aussi le rapport au visuel, le rapport à la mise en scène d'une histoire. Le fait de pouvoir me représenter par une image, on dit une image vaut mille mots, eh bien, j'apparente ça au théâtre, je dis une image vaut mille gestes, puisque une situation d'une minute qui aurait pu être exprimée en image, j'en ai croisé beaucoup. Et je me dis des fois, ça vaudrait la peine d'être intégré, ne serait-ce que dans des matchs pseudo-réguliers. Des fois, je m'en ennuie beaucoup. Et en route vers le début de la saison 2013-2014, ouais. Quel défi on se donne comme joueur dessinateur, comme joueur improvisateur? Des défis, non. Je n'ai rien pour. Pas d'attente. Non, faut pas avoir d'attente. Il faut justement être vierge, là, arriver sur scène et se dire, regarde, on va prendre tout ce qui passe. Ah mon Dieu, moi je veux pas te faire mentir, moi j'ai comme plein d'affaires là, qui me viennent en tête. Moi je pense que on est encore en exploration, c'est notre deuxième année, on est encore en exploration. Je pense qu'on va voir d'autres manières de transformer le médium, de transformer à la fois la scène et la BD, parce que c'est bien la conjonction des deux, mais ce qui est encore mieux, c'est les enfants que ça fait, c'est les nouveaux les quasi-médias qui en émergent. Et puis si vous êtes dans la salle et vous dites ah non mais c'est du génie, pourquoi on n'a pas fait ça en BD ou en improvisation avant, eh bien ça y est, notre travail est accompli. Nous avons ensemencé la scène d'impro et de BD de Québec. Oui, dans le fond, se dire la première année, c'est l'appropriation du concept. Maintenant, c'est de dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener ailleurs, ouais. Continuer de le développer. Dans le fond, pas continuer de se renouveler, parce que j'imagine c'est un peu ça aussi, pas toujours faire le même gag au dessin, pas toujours faire le même punch en jeu. On peut pas refaire la même chose. On se retrouve tout le temps face à du cas par cas. Donc non, ça va aller ailleurs, c'est sûr et certain. Ouais. Alors, ben, Simon Trudeau, JF, on vous revoit sur scène, en fait, que ce soit lundi le 16 au premier match. Dans le cas de Simon, ton équipe va faire son apparition en octobre. Ah oui, mais je serai là, comme un seul homme. Alors, donc, je le rappelle, c'est le 16 septembre, donc lundi, c'est à 20h, entrée libre, contribution volontaire. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, ben, toute la base devrait se trouver ou se trouve déjà un brin sur likibd.com. Et JF, en fait, dans notre cas, on se dit à la prochaine, puisqu'on aura l'occasion de se jaser dans les prochaines semaine du tome 7 du Crépuscule des Dieux. Oui, j'espère. Hein, faut prendre un peu de temps pour ça aussi, après que tu aies tout fait exploser dans ton dernier. Et Simon Trudeau, ben on se dit à bientôt également. Également. Merci. Alors donc, voilà pour la Ligue québécoise d'impro BD. Et voilà, dernier extrait qu'on a entendu cette semaine. Et comme la saison dernière, à chaque semaine, on choisit un artiste qu'on vous offre cette semaine. C'était Bejde avec leur EP Gargantua. Et on porte un regard, en fait, on est vraiment dans plein d'activités là, qui s'en viennent la semaine prochaine. Ça sera une semaine assez faste pour les amateurs de l'univers BD. Et autre activité qui sera proposée, ben c'est mercredi à 19h. Donc, retour des rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel-Roy, une activité gratuite qui est animée et montée et préparée par Michel Giguère, qu'on a le plaisir de retrouver également en ce début de saison. Michel, bonjour. Salut Raymond. Je sais pas, ton émission aussi est faste. Hein? Je suis pas sûr que les gens à la maison se rendre compte à quel point ça roule dans ce studio-là, enfin. Et Michel, en fait, ça va rouler aussi côté planche, côté lien, côté pont. Mercredi, au rendez-vous de la BD, parce que tu poursuis un peu, c'est une deuxième partie dans les liens que tu fais entre Giraud, Moebius et Franquin. Ouais, ben c'est... écoute, il y aurait eu suffisamment de matériel pour parler simplement du parallèle entre Giraud et Moebius, qui sont en fait les deux faces d'une seule et même personne. Tellement que j'aurais eu finalement besoin de deux soirées pour parler de ce thème-là en y ajoutant Franquin. Sauf que, faut dire que moi j'en suis, tu vois, à la 18e saison des Rendez-vous de la BD. Et pour le bénéfice des fidèles qui assistent aux rencontres depuis longtemps, et pour maintenir mon propre plaisir, j'ai comme besoin de me surprendre. Donc, d'ajouter un élément comme tantôt de la musique, tantôt des photos, ou de trouver un angle inattendu, ce qui est le cas ici. Et puis, curieusement, la justesse de mon idée, j'ai pu la tester auprès de Jean-Claude Mézières quand il est venu en octobre dernier. Je lui ai parlé un petit peu du principe de faire le parallèle entre Franquin puis Giraud. Et il a commencé par trouver ça étrange, puis après ça, il trouvait « Ah oui, c'est intéressant ». Donc, je me suis dit « Ah, voilà, je suis pas dans le champ ». Et puis, par ailleurs, ça m'a été confirmé aussi, pendant ma préparation, faut que tu m'imagines là, à mon ordi en train de mettre, je te dis, on va présenter au-delà de 100 écrans avec des planches, des illustrations et des photos. Là, c'est la ça folie. Ça va être intense, là. Oui, c'est la folie. Et puis, je mettais tout ça en ordre pour suivre mes notes et suivre un peu le scénario de la soirée. Et puis, à chaque fois que je passais de Giraud à Franquin et de Franquin à Giraud, c'est comme si ça venait rompre la simple chronologie linéaire. Et là, ça relançait ma motivation à travailler, puis je me disais, ouais, c'est pas bête, c'est une bonne idée. Oui, mais en même temps, ça devient, donc il y a le défi, il y a le plaisir de pas se contenter du parallèle évident de Giraud Moebius, et nécessairement aussi, on en avait parlé un peu l'an dernier, on le dit, c'est une partie 2, tu les avais qualifiés comme des frères, entre guillemets, parce que justement, il y a beaucoup de ponts, c'est des personnes qui ont presque mené une carrière parallèle à travers différentes époques, style, réflexion, tristesse. Voire. Écoute, c'est pas superflu peut-être de les présenter sommairement, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait qui sont Jean Giraud et André Franquin. Ben Franquin est le génial continuateur de Spirou à partir de 1946. Quand il prend la relève de Jigé, qui était lui le pilier du journal Spirou à cette époque-là. Et c'est une série qu'il va élever au niveau du classique increvable, comme on le voit encore aujourd'hui, mais qu'il va lui abandonner en 68 pour se consacrer pleinement au plus sympathique anti-héros de la BD franco-belge, j'ai nommé Gaston Lagaffe. Jean Giraud, lui, a débuté comme assistant du même Jigé sur Western, Jerry Spring, avant d'être recruté par le journal Pilote en 63 pour créer un rival à Jerry Spring, c'est-à-dire Blueberry, sur un scénario de l'Alexandre Dumas de la BD franco-belge Jean-Michel Charlier. Et cette série-là va devenir le grand classique du Western francophone, avec évidemment son pendant parodique qui est Lucky Luke, là, c'est sûr. Et donc, pourquoi deux frères? Ben, comme on le devine avec ce que je viens de dire, c'est qu'ils sont tous deux fils artistiques du fameux Jigé, dont ils ont été les assistants et qu'ils vont surpasser l'un et l'autre en succès et en talent après coup. Et puis, ils ont vraiment un tas de choses en commun, comme tu le disais tantôt. Ils sont d'abord réputés les plus grands dans leur registre de dessins respectifs, Franquin pour le caricatural et Giraud pour le réaliste. Ils ont fait leur marque avec une série classique avant de s'émanciper professionnellement dans des créations plus personnelles et plus diversifiées. Et là, ben, tu vois, c'est à peu près là qu'on est rendu. On est rendu au début des années 70, là, à peu près. Exact. Et on est rendu à une époque, un moment où Giraud, lui, crée avec Dionnet, Druyet et compagnie une maison d'édition et un magazine, soit Les Humanoïdes Associés et Métal Hurlant, ça sonne une cloche au plus vieux, tandis que Franquin et Delporte créent Le Trombone Illustré, qui était un supplément au journal Spirou, dans lequel ils se lâchent lousse. Et c'est encore deux fois parallèle. Enfin, à peu près en même temps, ils décident de se lancer dans l'édition parallèle. Oui. Puis aussi de tous deux vraiment se sentaient un petit peu pris dans le carcan d'une série classique et ont un besoin professionnel et artistique d'aller plus loin, d'aller ailleurs, de se laisser aller, et vraiment à tel point que ils vont se laisser un petit peu trop aller au goût de la direction du magazine Spirou, si bien qu'au bout de 30 semaines seulement, Delporte et Franquin vont décider de mettre un terme à l'aventure parce qu'ils se sentent un petit peu censurés. Par chance, ça signifie pas la fin des idées noires que Franquin a conçues pour le trombone illustré, dans lesquelles son talent apparaît brut et en toute liberté, et puis que Gottlieb, lui, va accueillir avec joie dans les pages de son magazine Fluide Glacial. Donc, c'est un peu les deux visages de Franquin, ça, qu'on découvre à ce moment-là un peu. Ouais, puis ça, ben, je vais parler un petit peu, là, on tombe dans une dimension plus personnelle, peut-être, parce que Franquin était un grand dépressif, et dans Idées Noires, ça nous étonne pas d'apprendre ça. Et puis, pendant ce temps-là, Giraud, lui, pour sa part, ben, il va, à travers Métal Hurlant, il va créer de toutes pièces son double, Moebius, un pseudonyme sous lequel il va élargir carrément, et j'exagère pas, le champ de la BD, et tout en émerveillant, je dirais, les amateurs de beauté, au-delà, là, au-delà du monde de la BD, au-delà de l'Europe, aux États-Unis particulièrement, il est considéré comme une légende vivante. Et peut-être justement, si on veut, pour ceux qui ont peut-être pas encore eu l'occasion de suffisamment lire Moebius, donc ce visage de Giraud, en quoi justement il est venu élargir, qu'est-ce qu'il a apporté, là, quelques grandes lignes. Oui, c'est les lignes qu'il a tracées. Et puis à un moment donné, celles qu'il arrête de tracer. Bon, je m'explique. C'est que sous le pseudonyme de Moebius, il va se mettre d'abord à explorer tous les genres, science-fiction, fantasy, même des fois des trucs un petit peu plus caricaturaux. Et puis, il va utiliser différents médiums, plumes, pinceaux, etc. Et puis, il va présenter des trucs en noir et blanc avec une profusion de traits sous l'influence de Gustave Doré notamment, mais des trucs hallucinants. Et à un moment donné, il va chercher dans la voie de l'épuration, il va aller vraiment dans une direction de plus en plus dépouillée, avec de moins en moins de lignes, de plus en plus de vide. Et là, je vous parle pas de son travail sur la couleur, parce que lui, il a débuté avant de faire la BD en illustrant des encyclopédies, et donc c'était des espèces de toiles très classiques là, qui faisaient un peu du 19e siècle, mais c'est un maître de la couleur, et c'est quelqu'un qui, jusqu'à 70 ans, continuait de se renouveler et d'être intéressant. Donc, il y a toujours eu ce souci-là, de se donner aussi des opportunités, parce que vous de les saisir à un moment donné pour justement se renouveler, un peu comme Franquin a essayé de faire aussi de son côté, ouais. Avec, justement, comme tu le disais. Oui, avec Moebius, c'est. C'est encore plus. C'est de l'invention. C'est de l'invention. Cela dit, moi, j'enlève rien à des trucs plus classiques comme, Spirou, Gaston Lagaffe, Blueberry. C'est majeur. À la limite, en fait, je repense à ton titre de la dernière saison, tu parlais des frères virtuoses. Je pense que, et on va bien le voir aussi, que ce soit on observe les albums ou avec les plans, justement, mercredi prochain, mais il y a une virtuosité dans ça, dans la réinvention que propose Moebius, autant que dans la maîtrise aussi du langage BD qui est du côté de Franquin ou de Moebius aussi, c'est-à-dire. Écoute, moi, je les voyais sur mon écran d'ordi, là, mais l'idée, c'est que mercredi prochain, on projette ça sur un écran. Un assez grand écran, là. Ça va être un feu d'artifice, justement, de virtuosité, de traits, de couleurs. Et, en fait d'héritage, premièrement, ils ont été imités plus que quiconque. Le parallèle se poursuit même à ce niveau-là. Oui. Donc, imités sans jamais être égalés. Ils ont aidé la bande dessinée à gagner ses lettres de noblesse, sauf que, tant qu'à moi, leur bilan n'est pas que positif. Il y a un passif aussi. C'est qu'il y a, d'après moi, un effet pervers à leur influence. Un effet pervers à l'impact de cette virtuosité-là que tu mentionnes avec raison. C'est une surenchère graphique et une inflation des effets du dessin au détriment des histoires dans les années qui vont suivre. C'est qu'ils vont susciter un tas de vocations chez des gens qui veulent dessiner aussi bien que ça. Et qui vont faire l'expérience, essayer. Ouais. Puis à un moment donné, il va y avoir un retour de balancier avec des nouvelles générations puis des gens qui vont dire, ouais, là, ça fera, là, on va essayer de faire des trucs un peu plus construits. Parce que une des explorations de Moebius, c'est vraiment de se concentrer sur l'aspect visuel et puis d'explorer aussi les possibilités de l'improvisation, voire de l'utilisation de la drogue. Et donc, c'est mal fait, ça peut être moche. Non, mais graphiquement, c'est très beau. Oui. Mais il reste que sur le plan des histoires, c'est assez relâché, puis c'était vraiment pas sa priorité. Lui, il était plus dans l'expression presque une histoire qui s'invente, là, un work in progress qui s'invente au fur et à mesure. Donc, dans le fond, prendre conscience un peu à travers l'observation, à travers l'analyse, la présentation, donc prendre conscience un peu de leur héritage, prendre conscience aussi ou reprendre conscience de la place qu'ils occupent, au bout du compte, dans l'univers de la BD, encore aujourd'hui, comme tu le dis, c'est quelque chose qui... C'est une œuvre qui traverse les époques et qui encore se lie aussi quand même très bien. Je veux dire qu'on pense à des titres de Moebius, qu'on pense au Franquin en général. Je veux dire, ça se lit encore comme du bonbon aujourd'hui. En même temps, je suis... Bon, fier, c'est un grand mot, là, mais mettons que je suis conscient là, d'avoir un petit peu un rôle de passeur quand j'organise des activités comme ça sur des artistes qui... Bon, Franquin est mort il y a une dizaine d'années, Giraud est mort l'année dernière. Oui, ils ont marqué, oui, ils sont encore là, présents, mais ma foi, on est limite amnésique. C'est fou comme... On oublie. Oui, des grands artistes tombent dans l'oubli, et puis mercredi prochain, ça ne sera pas le cas. Donc, on aura l'occasion de découvrir, de redécouvrir ces cases-là. Donc, je le rappelle, c'est mercredi prochain à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, entrée libre comme à l'habitude. Et pour profiter justement de cette séance, en route vers une saison assez faste aussi des rendez-vous de la BD, où tu vas nous parler, d'ailleurs, au fil des prochains mois, tu vas nous parler de vins divers, de femmes dans les la femmes, BD. Les femmes, oui, le mois prochain. Donc, il y a plusieurs belles explorations qu'on amorcera ensemble ici à l'émission. Michel Giguère, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la conclusion de cette émission de retour. Donc, on le rappelle, pour une nouvelle saison. La semaine prochaine, on aura le plaisir de jaser avec Mathieu Sapin, une entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt cette saison et qu'on vous diffusera en intégrale. Donc, on passe une heure avec Mathieu Sapin la semaine prochaine. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous et je vous dis à très bientôt.